Quand ça fait, tu nous le disais. Il fallait toujours que tu chantes ou que tu gueules des chansons plus de zèle ou des insanités. Tu chantais comme une casserole, alors t'as laissé ton micro. T'as dit je serai release, je m'occuperai du matos. T'as laissé à Pigalle pour aller faire tatouer un mec un peu bancal, mais s'il nous a fait rêver. I'm